All right, un petit spécial LavalFans.com avec LavalFans, LavalFans Radio ou dans les estrades, mais aujourd'hui, en direct du FanFest au Colisée de Québec, Colisée Pepsi, en direct du... Oui, en direct. Yes, on écoute ça en direct, c'est sûr. On recommence ça, pareil, c'est pas grave. All right. Un petit LavalFans... OK, on va se calmer un peu. Prendre ça relax, 2-3 respires. Good. Alright, un petit LavalFans.com spécial aujourd'hui avec Matt Leblanc. On est en direct du FanFest du Colisée, au Colisée Pepsi, du championnat international de hockey sur glace. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour à vous. Premièrement, regarde, on est au FanFest. Tu sais pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Ben, c'est mon nouveau lieu de... Ça fait un petit bout de temps, là, on pourrait quasiment dire ma maison un peu plus loin que la mienne. Je dors ici ou presque. On est en train d'arranger, j'espère, le plus gros party qui va avoir lieu à Québec cet été pendant 2 semaines. Donc, dans le cadre du championnat du monde de hockey, qui sont vraiment, non les juniors, mais nos joueurs la Ligue nationale de football dans tous les pays représentés, dans les 16 pays, vont être ici. Non. Ligue nationale de hockey, excuse-moi. Ben, la Ligue nationale de hockey, pardon. Ils vont être présents ici. Et puis, dans ce même cadre-là, nous autres, ce qu'on offre, c'est un peu un party en parallèle, ce qu'on fait venir justement à l'Hall of Fame, le Temple de la Renommée de Toronto. On fait venir jouer tous les jeux interactifs que le Temple, les lancers frappés, le radar, n'importe quel jeu qui existe sur Terre, on va l'avoir ici par rapport au hockey. On a 30 différents spectacles qui vont avoir lieu à travers ces 2 semaines-là, donc il y en a 2 par jour. Autant les Karma Chameleons que n'importe quel autre groupe qui vont passer par ici, souvent à 10h le matin jusqu'à 2h le soir. Et franchement, regarde, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. Vous attendez à avoir combien de personnes à peu près? C'est une bonne question. On sait même pas c'est quoi la capacité sécuritaire légale qu'on a le droit d'avoir. Mais nous autres, on veut que ça crache. On veut que ce soit le plus gros party qu'il y a. On veut que le line-up se fasse dehors, quitte à ce qu'on ouvre les portes dehors puis on se fasse une terrasse dehors, advenant du beau temps. Mais sinon, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on invite justement les écoles. Donc les écoles, on a 1200 jeunes qui vont passer ici par jour, qui vont venir rester à la partie, passer à travers le FanFest ici. Ils vont avoir un petit côté pédagogique pour voir l'historique des différents tournois et différentes équipes qui vont s'affronter dans la journée. Puis par la suite, ben c'est sûr que le 5 à 7 part le bal avec évidemment un peu de boisson et un peu les spectateurs qui veulent poursuivre la soirée. Hey good. Mathieu, on va laisser un peu le hockey de côté, on va parler un peu football. Post-mortem, ben la saison 2007 est de côté, on regarde vers 2008. Si on regarde un peu comment pour toi s'est terminée la saison 2007, blessure au genou, opération. Écoute, on s'est fait varloper contre les Huskies. On s'est pas rendu où est-ce qu'on devait, où est-ce que tout le monde nous voyait. Comment est-ce que tu as vécu ça, ta saison 2007? Mais je pense que j'ai vécu ça de la même façon que les gars l'ont vécu au dernier match. Moi, j'ai vécu une saison que, bon, tant que la victoire est en poche, on chiale pas, puis une blessure peut se mettre de côté aux victoires qu'une équipe peut accumuler. C'est sûr que lorsqu'on se sent impuissant devant une équipe, ben c'est autant un blessé qu'une équipe qui a de la misère à faire quoi que ce soit contre St. Mary's. Je pense que les gars, c'était plus à bout du rouleau, puis t'as pas le droit à l'erreur au football. C'est pas comme au hockey, pour faire le lien rapide, il n'y a pas de 4 de 7, là, c'est du jour au lendemain. T'as beau être les champions défendants de la coupe, et le lendemain, malheureusement, la risée de la Ligue, ou du moins qu'un finaliste. C'est sûr que ça permet à donner une motivation de plus, en tout cas surtout de mon côté. Là, j'aimerais ça parler pour tous mes coéquipiers, mais c'est sûr que de mon côté, autant pour une blessure qu'un retour au jeu, je pense que ça me donne la motivation de plus de non seulement être prêt, mais d'avoir quelque chose, une petite crotte sur le cœur de reprendre la saison 2006 sur la bonne voie. T'as eu ton opération? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où la saison s'est terminée? Comment ça s'est passé ta réhabilitation? Ben malheureusement, j'ai pas pu assister au dernier tournage ou les tournages subséquents de vous autres en ligne de LavalFans à radio, malheureusement. Mais ça s'est bien déroulé, évidemment, là, la semaine après la dernière fois en impression avec vous. J'ai eu l'opération, ça a super bien déroulé. C'est sûr qu'il y a une coupe de petits changements en termes de la procédure puis l'échéancier. J'ai eu une petite infection qui fait en sorte qu'une semaine ou deux, mais sur les 8 mois de réhabilitation, une semaine ou deux, c'est sûr qu'au début, sont plus difficiles à prendre, mais maintenant, 5 mois et 2 jours plus tard, ça va bien, je suis capable de courir. C'est sûr qu'il y a certaines petites lacunes encore, mais ce qui est plaisant, c'est qu'il me reste 3 mois, il me reste l'été, le beau temps, puis l'entraînement pour la première fois avec l'équipe, de faire le suivi de ce que les gars faisaient en saison morte, puis moi, pour la première fois, je vais pouvoir participer avec eux. Donc, de ce côté-là, l'échéancier jusqu'à date a été respecté. Et même là, je me dirais que la motivation embarque un peu plus à faire un suivi encore plus approfondi. T'as coaché beaucoup, t'as suivi un peu, t'as aidé beaucoup Justin durant la saison 2007. Donc, tu sais, tu t'es mis un peu sur le dark side, un peu de l'autre côté de l'aspect de l'équipe, du côté un peu plus entraîneur. Donc, t'as pu jeter un œil aussi en même temps au recrutement que Glenn Constantin a fait et que toute l'équipe du Rouge et Or a fait. Là, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant? Est-ce que tes aspirations sont bonnes? Ben, je pense que oui. Comme à chaque année, je pense que l'équipe qui est en place fait la voie, épave la voie pour les nouveaux qui vont venir puis se greffer à nous. Je pense que le point fort de Laval, c'est oui, c'est le recrutement, mais c'est la façon dont on amène ces recrues-là à se pointer dans l'équipe, mais non seulement à se pointer pour faire mise à part dans la chambre, mais carrément faire partie de l'équipe et contribuer le plus possible à leur première saison. Que ça soit sur le terrain de pratique ou le terrain de game, je pense que c'est ça la force, puis je pense que les joueurs embarquent aussi dans cette démarche-là. C'est sûr que là, tant et si longtemps que les gars, je les vois pas en équipement, puis on se voit pas sur le terrain, là, j'aimerais pas plus me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que sur papier, c'est une belle année de recrutement, il reste des gars à confirmer, on en a quand même déjà de confirmer. Le camp réserve toujours des surprises, ou l'été réserve toujours des surprises de dernière minute. Les gars qui ont rentré au mois de mars, là, on va dire, là, à l'hiver, ont quand même fait le camp avec nous autres au mois de mars. Donc, de ce côté-là, ça a bien été. Il y a quand même des belles surprises, là, qui risquent d'avoir des belles performances cette année. Mais pour ce qui est de l'été, là, on va s'attarder au training d'été, s'assurer que tout le monde est sur la même page, puis on va l'attaquer ensemble cet automne. Dis donc, saga repêchage CFL, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, là, je suis un peu déçu parce que j'ai fait des appels puis les gars m'ont pas donné de feedback encore. J'étais pogné ici au championnat du monde. Je fais mes appels dans mes petites heures de pause quand je veux pour parler aux gars. J'ai pas eu de feedback comme tel, mais c'est sûr que de mon côté, j'espère pour un gars comme Luc Brodeur qui s'est entraîné fort de ce côté-là, puis j'espère pour lui que ça va bien en aller dans ses démarches. C'est ce qu'on ne sait jamais, mais dans son cas, j'y souhaite. Puis même chose pour Laurent Lavigman. Je pense que c'est un grand joueur de football qui a énormément de place pour s'améliorer, mais avec ses qualités naturelles d'athlète et physique, là, je pense qu'il y a de la place à quand même percer dans cette ligue-là. Mais de ton côté, je sais qu'il y avait eu une espèce de chiard que tu essayais de faire retirer ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? De ce côté-là, la Ligue, on a toujours quelqu'un qui siège plus haut que nous puis qui prend des décisions autres qu'on peut malheureusement pas contourner. Dans mon cas, la Ligue a tranché l'année passée sur une loi qui empêchait les joueurs à repousser leur année de repêchage pour n'importe quelle raison, advenant la blessure, advenant un manque de préparation. Dans mon cas, c'est sûr que c'est triste, c'est pour des raisons qui seront, en tout cas, hors de mon contrôle. Donc malheureusement, j'ai subi, je crois que mon nom était au repêchage, mais peu importe, mon année de repêchage est passée, j'ai même pas checké si j'ai été repêché, puis je pense pas que c'est le cas, parce que moi-même, je m'aurais pas repêché, sauf que ça me donne cette motivation-là de plus pour signer comme agent libre suite à la saison 2008, puis en même temps, si tout va bien, les chances devraient faire en sorte que je retrouve ma saison que j'ai perdue quand même. Donc au moins, ça me donnerait cette année-là de plus, malgré un manque du cheminement que j'aurais aimé avoir, qui est le repêchage. En bout de ligne, on est là pour gagner et contribuer une équipe. Puis c'est un repêchage qui fait la différence dans mon cas, probablement. Donc, on va y aller plus sur ce qu'on peut contrôler, qui est une prochaine saison. Il y a deux nouveaux noms québécois cette année qui sont sortis avec la NFL, pardon, Giguère et Boulay. Giguère, si je ne me trompe pas, Giguère, c'est avec les Colts. Étienne Boulay, bon, l'ancien des Alouettes, maintenant avec les Jets. Ça donne-tu un peu désespoir pour nos produits? Bon, Étienne n'est pas un produit universitaire québécois, mais quand même, de voir nos gars un peu plus percer dans la NFL. Ben, je leur souhaite, sur le plan personnel, la meilleure des chances aux deux. T'sais, de ce côté-là, c'est comme dans n'importe quoi. Si un Canadien fait bien à quelque part, il représente bien nos couleurs, mais ça donne un peu la vue ou la vision de voir qu'est-ce qui se passe là, côté de la clôture. C'est sûr que le talent comme tel, on va miser pour développer un talent qui est de plus en plus dévoué à une cause qui est le football, puis qui commence encore plus jeune dans nos institutions au Québec, mais en même temps, que ce soit Canadien ou Québécois, je pense que la voie se pave tranquillement pas vite avec eux, avec d'autres qui ont passé par là. C'est sûr que ça va y aller aussi avec leur succès. Et puis dis-moi, en même temps, revanche pour 2008, qui t'aimerais rencontrer, advenant le cas qu'on se rende à la Coupe Vanier, qui t'aimerais rencontrer là-bas? C'est sûr que sur le plan logistique, je pense pas que ça peut se faire, mais j'aimerais ça rencontrer Saskatchewan en demi-finale, puis une équipe comme St. Mary's en finale, puis j'ai déjà un échéancier de tous les gros noms que j'aimerais affronter l'an prochain, puis aucun horaire facile, aucune cédule facile. Donnez-moi toutes les équipes que vous pensez qui vont être classées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis on va toutes les affronter l'un suite de l'autre. C'est un peu le dans l'optique que je prépare ma saison, là, moi, si je vais demander à Justin s'il peut me faire jouer les quatre quarts à tous les parties, advenant la victoire d'avance ou peu importe, je vais les jouer parce que quand tu te fais enlever une saison et t'as à regarder, malgré que c'est des chums et des coéquipiers jouer, puis pas pouvoir finir la dernière saison avec un chum comme Pierre Lecao ou Dwayne John en offensif, puis regarder ce gars-là quitter avec moi à une deuxième partie. Ça te fait réfléchir, puis malgré que c'est cliché, tu te dis c'est encore plus une raison de te donner quand le temps passe, parce qu'une fois que c'est fait, qui sait où ce que le lendemain va t'amener. Fait que rien d'autre comme objectif que la Coupe Vanier pour cette année? En effet, je pense que le parcours est droit vers la Coupe. Peu importe ce que va être, peu importe ça va être qui, peu importe notre adversaire en cheminement vers ça, on va être prêt à les affronter. Puis moi, j'ai mes démarches à faire justement pour prouver ça, non seulement à moi-même, à mes entraîneurs et à mon coéquipier, pour s'assurer que ce leadership-là se fait dans la bonne direction. Hey Mathieu, avant de partir, les fans de football sont en général des fans de sport en général, évidemment. Une petite invitation pour eux autres à venir te rejoindre ici au FanFest? Définitivement. C'est sûr que si vous êtes capable, pour les gens qui ont peut-être des questions, là, dites-vous que c'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est sûr qu'il y en a qui sont encore dans la course aux séries dans la Ligue nationale de hockey, mais en même temps, dans notre cas, c'est les meilleurs joueurs. J'ai vu les Russes pratiquer ce matin. Je pense que j'ai jamais vu une équipe de hockey aussi talentueuse que ça de ma vie. Et puis en plus, ben le party se fait au 5 à 7, et pour le reste de la soirée du 2 au 18 mai ici au Colisée. Donc, amateurs de sport tout court, que ce soit au hockey ou autre, ça va être un super bel événement. Puis vous risquez de venir me voir ici. Je vais pas mal le traîner ici pendant ces deux semaines-là. Good. Merci beaucoup, Mathieu, puis bon tournoi.